Alléluia. Aujourd'hui c'est un jour spécial. La semaine est déjà spéciale en elle-même. Mais ce n'est pas comme d'habitude. Les choses de Dieu s'obtiennent par la foi. Ce n'est pas fonction du nombre. Chacun reçoit selon sa foi. Merci les corps pour vous asseoir. 3 Jean 1 à 2, nous allons introduire par là. 3 Jean 1 à 2, tout à fait, Kingili au palais. Mettez second 19, 10. Comme ça, nous avons la même version que moi. Ok, merci. L'ancien à Gaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Il écrit à Gaius 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. La bonne santé est un impératif que Dieu déclare dans la vie de Gaius. Parmi les commandements de Dieu, Dieu veut que tu sois en bonne santé. Tu ne dois pas négocier avec ta santé. On négocie pas avec la santé. Tu dois menacer quiconque touche à ta santé. Et ce soir, puisque l'ennemi touche à notre santé, nous allons le menacer au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Tu peux tout avoir sur la terre. Tu peux tout avoir sur la terre. Si tu n'es pas en bonne santé, le ministère, le mariage, la richesse, le travail, rien ne va marcher. Et vous comprenez pourquoi Dieu met un accent sur la bonne santé. Et ce qui est intéressant encore dans ce verset, c'est comme prospère l'état de ton âme. Quand on dit comme, c'est une comparaison. Ah, donc la bonne santé et la doivent aller ensemble. Tu ne peux pas monter dans le ministère avec une mauvaise santé. Tu ne peux pas adorer Dieu avec une mauvaise santé. C'est incompatible. Si tu adores le Seigneur, si tu montes dans le ministère, si tu montes dans la sanctification, mais quelqu'un qui n'est pas en bonne santé, il aura du mal à être saint. Ça va de pair. La Bible dit dans Luc chapitre 2 verset 52, Jésus-Christ croissait en sagesse, en stature et en grâce. Les trois sceaux devaient aller ensemble. Trois dimensions. La stature, le corps, le corps, la sagesse, l'âme, et la grâce, la puissance divine. Jean ici fait une comparaison de deux choses. Que la croissance réelle est liée à l'âme et à la santé. Parce qu'il est déjà enfant de Dieu. Il a déjà l'esprit en lui. Donc la foi et la santé vont de pair. Bah, quiconque n'est pas en bonne santé, il va même douter de sa foi. Alléluia. Amen. Deuxième chose. Quelles sont les mains qui peuvent se lever sur ta santé? Il y a deux mains. Kuko mikono ya aina mbili. Donc deux personnes. Manake watu wawili. Peuvent se lever. Wanaweza kusimama. Sur ta santé. Juu ya afya yako. La première personne. Na mutu wa kwanza. C'est toi-même. Ndio wewe peke. Alléluia. Amen. Tu dois faire dans la vie ce qui convient pour une bonne santé. C'est ta responsabilité. Tu manges la viande tous les jours. Tu manges beaucoup de sucre. Tu manges beaucoup de graisse. On a dit buvons de l'eau, tu ne peux que prendre le sucré. Tu ne prends que la bière. Toi-même, tu mets ta main sur ta santé. Nous devons le dire à l'église. Un enfant de Dieu, il est équilibré. Équilibré dans sa vie. Il sait quand il dort. Combien d'heures il dort. Il sait quand il se réveille. Il équilibre son sucre qu'il prend. Le sel qu'il prend. Ses heures de sommeil. Ses heures de sport. Il y a des gens qui ne font jamais attaquer une horloge à côté de moi. Même si c'est de tendre un peu le pied là, il ne le fait jamais. Non, c'est interdit. Nous les seuls, on ne peut pas mettre les traînées. Qui a dit ça? Non, non, non, non, non. Frère, vous vous faites du mal. Bon, je... Le jour où la santé va vous lâcher, c'est le jour que vous allez vous souvenir de ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que vous avez dit ça. On a dit cette semaine, on boit de l'eau, on boit de l'eau. Et Dieu pas mai. Tu dois boire de l'eau. Cher, tu connais quoi, tu dois boire de l'eau. Jusqu'à ce que ton urine soit claire. Pas safi, claire. Voilà. Papa n'a safi. Claire. Non, Fanta, Coca, jus. Coca, pana, jus, y a pana, Fanta, pana. Rani, je ne sais pas. Marani, yote, pana. Il y a deux moments, mets une pause à ton corps. Ça rééquilibre les choses. Tout ça c'est biblique. 2 Corinthiens chapitre 6 verset 14. 2 Corinthiens 6, 14. Je me suis dit que je suis obligé d'enseigner un peu et puis nous allons, pour que nous comprenions comment nous allons prier aujourd'hui. 2 Corinthiens 6, 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles. C'est ça? Oui. Sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? 7-1. Toujours 2 Corinthiens. Non, c'est 2 Corinthiens 6, 16. Je crois que je me suis trompé. Ok. 2 Corinthiens 6, 16, on commence 16, par là. Parlé. Le premier verset. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu de Dieu. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Première chose, nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu vivant. 7-1. Ayant donc de telles promesses bien-aimées, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Alléluia. Amen. Nous sommes le temple. Je vais expliquer brièvement. La notion du temple est venue après. D'abord, c'était une tente. Quand vous lisez dans Exode 25, 8, on ne va pas lire, c'était la tente. Moïse avait une tente, etc. On devait transporter, etc. C'est dans le Nouveau Testament où on parle du temple. Je vais aller vite, il y a des documents, on sortira après, il n'y a pas de souci. Dans le Nouveau Testament, on parle du temple. Parce que Dieu avait un objectif. D'habiter. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Ça, c'est dans Apocalypse chapitre 21. Donc, Dieu veut habiter. Alors, nous devons faire ce qui convient. Je parle à chacun de nous. Fais ce que tu dois faire. Pour que le temple de Dieu. Vous savez, prenez vraiment l'image de la maison. La maison nécessite d'être aérée. Les pores de ton corps ne s'aèrent jamais. Et tu viens prier. Le temple nécessite la propreté. Le temple nécessite l'embellissement. Et quand il est dit qu'il pamba vizuri. Le temple est une bonne construction. Bien aimé, c'est l'image de Christ. Nous sommes l'image de Christ. C'est lui qui ne fait pas ça. Il dispose son corps au problème. Anaweka mwili yake kwa matatizo mbalimbali. Il dispose son corps au problème. Anaweka mwili yake kwa matatizo mbalimbali. Donc la première responsabilité. Maana yake madaraka ya kwanza. Revient. Inarudia. Fais tout. Fanya namna yote. Pour faire de bonnes choses sur ta vie. Ili ufanye vitu vizuri juu ya maisha yako. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est très important. Ni ya muhimu kabisa. Il y en a à cause de leur vie. Koko wengine tena kwa ajili ya maisha yao. Ils sont infectés dans tous les sens. Balisha kushikwa manamna yote. Par manque de discipline. Kwa kutokuwa na utaratibu juu yao. C'est toi-même qui mets ta main sur ta vie. Wewe peke unakamata mkono yako na weka juu ya maisha yako. Infection à gauche, infection à droite. Unakuwa kushikwa kushoto, kushikwa kuume. Il faut dire ces choses. Na, shere tuseme maneno haya. C'est parfois à la maison, à l'école on parle de Disons-le à l'église. Il y en a aujourd'hui qui ont détruit eux-mêmes leur corps. Leo kuna na wengine tena baisha kuharibu wao wenyewe mili yao. Quand on est enfant de Dieu, kama tunakuwa watoto wa Mungu, on doit être équilibré, on doit comprendre certaines choses. Napaswa kuwa na usawa na kuelewa kwa maneno mengine fulani. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je vivais comme un enfant. Quand je suis devenu grand, je fais disparaître ce que l'enfant. C'est Paul qui dit je fais disparaître. Il n'a pas dit Dieu. Il a pris la responsabilité. Chacun doit prendre la responsabilité. Je mange quoi? Je mange où? Tu m'entends les casseroles dans tous les malewa. Uma byungu yote ya musoko kwenda pa kulama. Tu bois tout ce qui tombe devant toi. Ukuna kuna byote vinapita mbele ya macho yako. Tu t'infectes partout. Ukuna guswa fasi yote. Tu détruis ton corps. Pale kunaribisha mwili yako. La première main, c'est nous-mêmes. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je prendrai soin de moi-même. Fais cette prière. Tiens d'abord sur ta tête, dit Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je prendrai soin de moi-même. Je ferai attention à ma vie. Mes heures de sommeil. Ma façon de manger. Au nom de Jésus. Jina la Yesu. Ça c'est contrôle. Cher Tibichunguze. C'est très important. Ni ya kutosha kabisa. Au début ça paraît rien. Mwanzo unaona kama haina na bei. Mais à un âge donné. Kwa nifikia umri ya miaka mofulani. Tu réalises comme manteka aikaka tout butamu. Tu vas voir qu'en tout cas. Enfin, il est pas bon. Butamu, mais il est tout bien. Mais ce n'est pas bon. Mais ça mon manteka uku. Manteka uku. Tu mets du bleban partout. De deux côtés, même au dehors du pain. Tu ne t'aimes pas. Pale, aujitakie mambo mzuri, aujipende. Bukana malaki busubuhi, bukana malaki midi, bukana malaki mangaribi. Kisa unalala 2 heures du matin, unalamuka 4 heures du matin. Kisa unenda munsoko, weule, bukana pika, il y avait un restaurant tout yé, ici à Likasi, quelque part. Kwa restaurant, mase biote, biko ame, kwa kapa Likasi hapa. Paka vile manapika, manakulopole na wewe, manakuliza. Beko na choma pala. Sina, no, mwoni pepaka pala. Na mvumbi kuna pita. No, no. Tu vois là-bas, même si yada. Sur cette avenue ici. Unabeba, unanja kwa. Na wona beba. Tu prends aussi, tu manges. Frère, il faut s'aimer. Tuko yangu, jipende tu mwenyewe. J'avais dit que vous êtes des rois. Nese makama nini ni bafalme. N'est-ce pas? Psaume 84, mais vous mourrez comme des princes. Parce que vous ne vous comportez pas comme des rois. Baba, mjongoze kama la deuxième main, c'est la main du diable. Mkono mkono ya. Donc nous prenons la responsabilité. Sisi, na madaraka yetu. Et si on a pris nos responsabilités, maintenant nous passons à la deuxième étape. Acte chapitre 10, verset 38. Donc je voulais introduire pour qu'on comprenne certaines choses. Acte 10, 38. Rapidement la technique, parce qu'on doit prier aujourd'hui. Toutes ces maladies-là doivent disparaître. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Ce mot m'a beaucoup intéressé. Dans une autre version, on dit sous l'emprise du diable. Donc, il guérit ceux qui sont sous l'emprise, sous la main du diable. Oh, ce soir, que Dieu guérisse tous ceux qui sont sous l'emprise du diable. Il y a une main du diable qui amène la maladie dans la vie des enfants. Et cette main est organisée sous forme d'empire. Sous forme d'empire. C'est-à-dire c'est toute une organisation. Donc je comprends très bien que la maladie ne vient pas par hasard. Quand le diable veut tuer quelqu'un, il doit trouver une justification. Il fait un complot. Il dit voilà, nous allons tuer telle personne. Mais quelle sera la raison? Il trouve la raison. Non, il doit mourir d'un cancer. Quel est le plan? On amène ce plan-là pour qu'il soit atteint du cancer. Et tu sursautes. Non, un cancer. De poumon. Des reins, du terrus, de foie, tout ce que vous voulez. C'est ça l'empire, l'emprise du diable. Bien-aimé, remarquez quelque chose. Il y a certaines maladies qui était réservé qu'on voyait très loin. C'était des cas rares. Dans le quartier. Nos parents n'étaient pas saints. Ils n'étaient pas saints. Ils n'ont pas connu Dieu tel que nous connaissons le Seigneur. On n'a pas entendu beaucoup d'AVC chez nos parents. Vous êtes d'accord avec moi? Zamani. J'ai entendu ça juste après. Enfin, l'université peut-être. Peut-être à l'université. Il y a des cancers qui n'existent pas chez nous. Kuna kwa ma cancer ingine yuko kwa zamani. Il y a des maladies qui n'existent pas chez nous. Na magonjwa ingine zamani tukijua. Il y a des grippes, des COVID, des ceci. Kuna ma grippe ya COVID. Des COVID. Ce sont des maladies qui n'existaient pas. Pourquoi? On s'approche de la fin des temps. Le diable ramène toutes les choses qui étaient loin. Il les ramène même chez les enfants. Il y a des enfants qui meurent de diabète, qui meurent de cancer, qui font des AVC à 30 ans. On m'a dit à 26 ans. Donc, bien-aimé, oh, ce soir, nous devons refuser ces choses. Il y a une main noire. Il y a la main du diable. Nous devons refuser. Je suis convaincu que le Seigneur veux que tu sois en bonne santé. Mais le diable, pour te sortir de la terre, parce que tu n'as pas la vie, tu n'as plus le droit à vivre sur la terre. La terre, c'est pour les gens qui ont le corps, qui ont la vie. Et il trouve une justification. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que la maladie amène dans nos vies? Sasa magonjo unaleta nini mu maisha yetu? Marc chapitre 5 verset 24 à 26. Marc 5:25-26. Marc chapitre 5. Comme kitabu ya Marco sura ya 5. Jésus s'en alla avec lui. Yesu alienda naye pamoja. Et une grande foule le suivait et le pressait. Makutano kubwa kabisa ilimfuata ilimsonga songa tena. Oh, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Écoutez très bien. Elle était malade depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. C'est pourquoi parfois quand tu es malade, choisis d'aller vers des médecins chrétiens. Tafuta kwenda kwa waganga wa Kristo. Je vous dis la vérité. Inaniambia tu ni ya kweli. Vous pouvez échanger. Unaweza kuongea naye. Tu me dis non ça non. Wamese hii hapana. Prie. Hii ni mambo ya maombi. Je fais ça. Inafanya hivi. Mais prie. Ingine omba. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. À l'hypothèse yote alikuwa nayo. Donc la maladie. Maneno magonjwa. Amène la pauvreté. Iko naleta umaskini. Et puis on nous dit. Tena wanasema. La santé n'a pas de prix, n'est-ce pas? Afya haikalaki na bei, abenunu wake. Non, banatomba tutowe $50, $100. Mais comme un médecin anandika, si le médecin prescrit, dawa, j'ai déjà vu des gens acheter les médicaments de $500,000. Ça connaît comme un dawa ya $500,000 qui marikani. L'examen de MRI ou de scanner. Examen ya scanner. Les gens vont se cotiser. Bantu bata changa changa feza. On dit que la santé n'a pas de prix. Banasema be afya abeuzake aina na bei. La maladie amène la pauvreté. Sasa magonjwa kunaleta umaskini. La maladie amène aussi l'inefficacité. Magonjwa tena unafanya mtu hana tena na nguvu. On devient inefficace. Unakuya bila nguvu. Frère, ndugu yangu. Au travail inefficace. Mkazi hauna na nguvu. À l'église inefficace. Kunyumba hauna na nguvu. Même dans le mariage, n'est-ce pas maman? Hauna na nguvu. Tu peux être inefficace, malari. Unaweza kuya tu bila nguvu. Inefficace. Magonjwa itakufanya nguvu yote ipotee. Partout. Pahali pote. Et tu acceptes? Na unakubali. De vivre dans cet état de choses. Uishi mwile hali vile. Non aujourd'hui. Pana leo. Tu dois te révolter. Certo katare utomboka. La maladie amène une efficace par la faiblesse. On devient faible. On a fait un monteur qui a muzaifu kabisa. La maladie amène de douter de soi. Magonjwa takufanya unatokuwa na shaka juu yako mwenyewe. Tu commences à douter. Unatokuwa na mashaka. Si tu es vraiment chrétien, si Dieu t'entend. Bien quoi de tout, Mungu anakusikia. Et enfin, la maladie amène la mort. Kisha yake magonjwa inaleta kifo. C'est comme ça que le Seigneur Jésus-Christ connaissant ça. Ndio maana Yesu aliweza kujua maneno yote haya. Il a décidé de commencer à guérir. C'est qu'on a lu. Kamata mupango anje kutuza. Il allait des lieux. Alikuwa naenda mafasi yenye kuachana. Pour guérir ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Donc il savait qu'il y a des maladies qui venaient du diable. Je vais donner un exemple, ou même Des maladies qui viennent du diable. Luc 13, 10 à 14. Luc chapitre 13, verset 10 à 14, rapidement avec 13, 10 à 14. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. J'ai lu seulement en français. Okay. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme. Elle était infirme. Quand elle va à l'hôpital, on fait les tests, elle est infirme. Mais la Bible dit que c'est un esprit qui la rendait infirme. La femme ne connaissait pas l'origine de sa maladie. Plusieurs personnes ne connaissent pas l'origine de leur maladie. Plusieurs. Tu te réveilles malade. Le premier réflexe, allons à l'hôpital. Non, frère, pas ça. Le premier réflexe, je dois prier. Même pour boire le paracétamol, d'abord, je dois prier. Que ce soit le premier réflexe, un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée. Et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il l'a vu, donc lorsque Jésus a vu cette femme, Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Ok, la femme ne connaissait pas l'origine de sa maladie. La femme ignorait l'amour de Dieu. Beaucoup de gens ignorent l'amour de Dieu. Que Dieu veut nous guérir. Dieu n'est pas content de te voir malade. Il y a certaines choses que tu dois les refuser. Et dire non, ça Dieu n'accepte pas. Vous savez ce que le diable fait? Il te convainc. Tu mets dans ta pensée pour vivre, je dois avoir tous les jours ce médicament. Tel un homme pense, tel il est. Ça conditionne tout ce qu'on appelle hormones métaboliques. Tout ça. Et le corps commence à fonctionner comme ça. Il y a deux jours, tu dois te lever et dire non par la foi. La femme ne connaissait pas le temps de Dieu. Oh, bien-aimé. C'est le temps de Dieu aujourd'hui. Le temps de la visitation. Je ne veux pas lire, vous connaissez l'exemple toujours dans Luc chapitre, Marc chapitre 5 plutôt. Comme kitabu ya Marko sura ya 5. On va partir du premier verset jusqu'au 15, 16, 17. Ce monsieur qui était possédé de démons. Uyu muntu alishikwa na mapepo mchafu. On l'appelait démoniaque de Gadaréniens, vous connaissez ce histoire. Quand on a chassé les démons, cet homme s'est retrouvé dans son bon sens. Donc, la cause de la maladie, la cause de la folie, lui ne connaissait pas. Jésus savait que la cause était démoniaque. Il y a des maladies. Oh, c'est quoi ce soir? Je prie encore. Même si elles sont dans une démoniaque. Ce soir, que tu en sois délivré au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Tu ne dois pas quitter malade. Auta toka hapa na ile magonjwa. Toute maladie qui dérange ton corps. Magonjwa yote na zuru. Oh, je prie ce soir. Omba basi mangaribi leo. Tous les organes principaux du corps. Viungu le cœur, le foie, l'estomac, les reins, les poumons, le cerveau, que tous les organes de ton corps aujourd'hui soient guéris au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Même les maladies qui sont dans ton sang. Hata magonjwa ndani ya damu yako. Tu ne dois pas vivre des cycles de maladies chaque fois. Hautaishi kila wakati magonjwa kurudia kila wakati. Non, bien-aimé. Pana mpendwa. Le Seigneur est juste. Bwana hako mwenye haki. Il sait réguler. Anayua kutengeneza vitu kupanga. Tous les taux. Panga vitu yote. Dans notre corps. Ndani ya mwili yetu. Et je prie ce soir. Omba tena Mungu. Même si tu as grandi. Hata kama ulishakomea. Que tu aies la santé comme un enfant. Uwe na afya kama mtoto mchanga. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? Esaïe 53 verset 5 nous dit ceci. 53:5 inasema. Par ces meurtrissures. Nous avons la guérison. Si tu n'importe ma tunzo. Alléluia. Amen. Par les meurtrissures. Pitié vidonda vyake. Par les blessures de Jésus-Christ. Pitié vidonde ya Yesu. À se comprendre ça. Oh, nelewa kujambo moja. La guérison. Maana yake matunzo. Est liée à la foi. Nambatana kuimani. Dans l'œuvre de Jésus-Christ. Kazi ya Yesu Kristo. C'est pourquoi nous faisons la table. Ndio maana tunafanya meza. La table aujourd'hui. Ni meza ya leo. Aujourd'hui nous allons faire la table avant de prier. Leo tutafanya meza kabla ya kuweza kuomba. Avant de prier nous allons faire la table. Kabla ya kuomba tutakula meza. Parce que la guérison passe aussi par la table. Wa matunzo. Aujourd'hui, Léo, cette table meza, doit être une table de guérison. Par ces meurtrissures, nous avons la guérison. Si, si, nous croyons dans le sacrifice de Jésus-Christ. Blessé pour nos péchés, ok. Il nous a pardonné. Brisé pour nos iniquités, ok. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui, ok. Mais par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Ce soir, je proclame la guérison par les meurtrissures de Jésus-Christ. Si Christ est mort, si Christ a été blessé, et cela est vrai, ce soir, reçois la guérison par les blessures de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans la guérison, c'est un acte de foi. Alléluia. Amen. Si tu as la foi, il y a la foi pour croire. Il y a aussi la foi pour être guéri. Jésus voyant, la foi on la voit. Yes, anaona. Imani inaonekanaka. La foi on la voit. Imani inaonekanaka. Quand on a descendu ce monsieur sur le lit. Wakati barishushako le muntu pale yulu. Voyant leur foi. Ona imani ya. La foi on la voit. Anaka imani inaonekanaka. Quand quelqu'un doit être guéri. Kama mtu anapenda kutunziwa. Vous savez, pouvez être là, pasteur, prophète. Parfois tu n'imposes pas la main à tout le monde. Tu regardes celui qui a la foi pour recevoir. Tu lui imposes la main et il reçoit. Quelque part, ta guérison dépend de toi. Alléluia. Amen. Elle dépend de toi. Actes chapitre 19 verset 11 à 12. Actes 19 11 à 12. Nous commençons à descendre pour la prière maintenant. Je donne certains cas de guérison. Et nous allons prier. Kisha tutaomba. Actes chapitre 19 verset 11 à 12. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou de mouchoirs qui avaient touché son corps et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Les esprits malins sortaient. Le problème de leur maladie était lié aux esprits malins. Ce soir, nous allons briser la main de l'ennemi sur nos vies et chasser les esprits malins. Alléluia. Amen. Deux deuxième façon aussi. Matthieu chapitre 18, verset 19. À... en se mettant ensemble dans la prière. Matthieu 18. Je vous dis encore, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, et leur sera accordé par mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, quand nous prions ensemble, nous conditionnons Dieu à la réponse. La réponse qui viendra de Dieu partira de la terre. C'est comme ça que Dieu donne le principe qu'il en est comme de la parole de Dieu, comme de la pluie. La pluie en fait ne vient pas du ciel. La pluie vient de la terre. La parole de Dieu c'est comme la pluie. Elle vient de la terre. Elle ne vient pas du ciel. Le ciel sert seulement d'accumulateur. Accumulateur. Quand c'est rempli de vapeurs, regardez le cycle. Le soleil, la mer, la vapeur. Quand c'est rempli, le ciel libère. Oh, ce soir, le ciel va libérer la guérison. Parce que nous allons prier ensemble. Si deux se mettent d'accord, le ciel libère. Alléluia. Amen. Troisième façon. Aïe, y'a tatou. Acte chapitre 3, verset 1 à 2. De la mitoume, 3, 1 à 2. 1 à 8. 1 à 8. Vous connaissez ce verset, on ne va pas lire. Ustari mune jua vizuri, akte isoma. C'est Paul. Yukusu Paulo. Et Jean qui se rendent au temple. Na Yohane banenda kwa ekalu. Et il voit le boiteux au verset 6. Manolo ikiwete, usture yake, mustari ya sita. Pierre de même que Jean fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Le boiteux les regardait attentivement, s'attendant de recevoir. Ils ont dit non, non. Il n'y a ni argent ni or. Ce que nous allons te donner. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. La prière au nom de Jésus. Maombi kwa jina la Yesu. Guéris les malades. Yiko natunza wagonjwa. Ah, nous allons briser cette main. Yo tutavunja hii mkono. Bien-aimé. Pendoa, Dieu veut t'accorder la bonne santé aujourd'hui. Aujourd'hui, ne quitte pas ces lieux malades. Non, non, tu n'as pas droit de quitter malade. C'est une bénédiction devant le Seigneur. La bénédiction devant le Seigneur, ce n'est pas seulement les habits et l'argent. Qu'est-ce que les habits, qu'est-ce que l'argent si je suis malade? Il y a même certains habits qui ne vont plus nous aller si on est malade. Et l'argent que tu as si tu es malade, tu vas les dépenser dans les médicaments. Et comme j'ai vu un parent à un moment donné, il trouve qu'il ne pouvait plus être guéri. Il commence à vendre ses maisons. Il dit Nikure makuta ngo pani kumushimo. Je mange encore tant que je suis encore en vie. Vous voyez ce que la maladie apporte. Le diable va se rassurer que tu deviens pauvre. Non seulement il te sort de la terre. Oh frères et sœurs, la maladie peut faire que tu meurs avant le temps que Dieu a prévu. Ce soir, tu dois refuser. Je ne mourrai pas avant mon temps. Jamais. Refuse de mourir avant ton temps. Parce que Dieu a des choses à faire avec toi. La quatrième chose. Par la Sainte Seine. Donc les cinquième, sixième choses, nous allons nous arrêter, nous allons en parler prochainement. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 30. 1 Corinthiens 11, 30. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 30. Je prends juste le verset 30. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmités et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Commençons carrément par le verset 29. 29. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps et le sang mange et boit un jugement contre lui. Ici, il s'agit de la Sainte Seine. Apanimambo kusu meza ya Bwana. Alléluia. Amen. Il s'agit de la Sainte Seine. Mambo ya meza ya Bwana. Alors, il dit que si tu manges la Sainte Seine sans discerner, anasema kama unakula meza hii bila kupambanua, il y a un jugement. Uko hukumu. Je ne vais pas revenir sur ça parce que nous discernons. Mimi na kama atakaoya sababu tuko na discerner, c'est la foi en Jésus. Kupambanua ni kwa na imani ndani ya Yesu. La foi dans le sacrifice. Imani ndani ya matoleo. Dans la mort et la résurrection. Ndani ya kifo na kufufuka kwa Yesu. Verset 30. Ndani ya makumi tatu. Alors on dit que c'est pourquoi il y a parmi vous beaucoup d'infirmités et des malades. Ndio kwa maana wagonjwa wako mingi na ulemavu wingi kabisa katikati yetu. Ça signifie. Maana yake. Que si tu discernes bien cette table. Maana yake kama ukipambanua vizuri kabisa meza hiyo. Tu vas recevoir la guérison. Utapokea matunzo. Une façon aussi d'être guéri. Ni namna moja tena kuweza kutunziwa nayo. C'est de t'approcher de la table conscient que ici c'est le lieu de ma guérison. Kwa karibia mbele ya meza uko na akili ya kusema kama hapa ndio nitaponeshwa. Kwa le lieu de ma guérison. Kwa nini fasi ya matunzo? Ça représente Jésus-Christ qui est mort à la croix qui a été blessé. Ni picha ya Yesu alikufa kwa msalaba na aliweza kuumizwa. Oh, la Bible dit que par ses blessures. Kama Biblia inasema kupitia ma vidonda vyake. Nous sommes guéris. Sisi tunatunziwa. La Bible il dit très bien les temps. Nous sommes, c'est le présent. Mais qui a été blessé dans le passé. C'est-à-dire que tu dois croire dans ce sacrifice passé. Pour qu'aujourd'hui, dans ton corps, tu reçoives la guérison. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons prier pour briser la main du kono yote ya shetani notre santé tuya afya yetu. Ta santé est précieuse. Afya yako iko ya bei na thamani kabisa. Ta santé est précieuse. Afya yako ni ya thamani. Autant la foi est précieuse. Oh, gisi bitu nakuta na hiyo. La santé est précieuse. Afya yako iko ya thamani. Autant Dieu veut te bénir. Ile tena Mungu anapenda kubariki. Il veut te donner la bonne santé. Anapenda kupatia afya njema. Parce qu'avec la bonne santé, una afya njema, tu seras efficace. Utakuwa na nguvu. La Bible dit. Biblia inasema. Les morts ne louent pas les Seigneur. Oh, la maladie amène la mort. Il n'y a pas de louange dans le séjour des morts. La louange c'est pour nous les vivants. Il faut être en bonne santé. Et tu vas dire à Dieu, je suis le temple de Dieu. Je dois être en bonne santé. Pour que tu habites à moi bien. C'est pourquoi Jean a dit à Gaïus, prospère et sois en bonne santé. Qu'on prospère l'état de ton âme. La santé afia et la foi na imani doivent aller de pair. Bien aimé, la volonté de Dieu Mungu, c'est de nous guérir. De nous guérir. Dieu ne veut pas nous voir malades. Oh, c'est pourquoi ce soir tu dois recevoir ta guérison. Quelles sont les maladies que Dieu peut guérir? Ni magonjwa kanyili Mungu anapenda kutunza. Frères et sœurs, ndugu na dada, toutes les maladies, magonjwa yote, le rhume, homa, la dent, lino, les maladies chroniques. Magonjwa yanafika kila wakati. Ce soir, mangaribi ya leo, tu as un cancer. Kuna cancer. Ce soir, mangaribi ya leo, il y a un dysfonctionnement hormonal. Huko katika mwili haiendeki vizuri. Il y a un dysfonctionnement métabolique. Hata mwili haiendeki vizuri. Le sang est déséquilibré. Damu haina katika usawa. Les choses ne se rangent pas correctement. Bina katika usawa. Oh bien-aimé, pendwa, la guérison se trouve dans la parole de Dieu. La guérison se trouve dans la parole de Dieu. Quand il dit tu es guéri, il va à la source de la maladie. Il va à l'origine de la maladie. Il est à l'origine de la maladie. Vous savez ce que Élisée a fait? Quand on lui a dit que le pays est bon, il est bon, mais les eaux sont amères. Il a dit montre-moi la source. Il est parti. partir à la source. Il a demandé du sel. Mais on devait mettre ce sel là dans un plat neuf. Or, dans Matthieu chapitre 7, Jésus dit, nous sommes le sel de ce monde. C'est-à-dire les hommes de Dieu qui sont saints, qui sont purs, peuvent aller à la source de certains problèmes et déclarer la guérison. Élisée est arrivé avec le sel comme toi ce soir. Il a jeté le sel. Il a dit aujourd'hui, je déclare que ces eaux soient saines. Et à partir de ce jour-là, les eaux ont été saines. La suite est venue après. Frères et sœurs, aujourd'hui là, nous allons prier. Je sens dans mon cœur, Dieu est là pour nous guérir. Alléluia. Amen. Nous sommes fatigués de nos maladies. Le médecin n'a pas étudié pour moi. Non, il y a beaucoup de gens sur la terre. Il y a des païens sur la terre. Non, il n'a pas étudié pour moi. Moi, Dieu m'a sauvé. Je suis à Dieu. J'appartiens à Dieu. Aujourd'hui, je refuse la maladie dans mon corps. Je refuse la maladie dans mon sang. Même les infections qui sont dans ton sang. Aujourd'hui, même si c'était à cause de toi, puisque cette parole vient de tomber aujourd'hui, reçois la guérison au nom de Jésus. Mais qu'après, tu te comportes maintenant correctement, Dieu va guérir. Je prie que les cancers aujourd'hui disparaissent. Même ceux qui veulent commencer, tout ce que le diable veut faire comme complot pour justifier ton inefficacité, ta mort, non, aujourd'hui là, nous allons annuler ça dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Alors nous voulons prier. Mais avant de prier, j'ai dit qu'aujourd'hui on va commencer avec la table. Parce que la table, c'est un moyen de guérison. Donc tu prends la table. Quand tu prends la table, tu commences à prier. Je donne le mode opératoire. Comment on va procéder? Donc, je vais bénir la table. Tu viens, tu prends la table. Tu rentres à ta place. Tu commences à prier. La chorale peut se lever. Merci beaucoup. Commencez déjà. Et nous sommes en train de prier. Tu prends la table. Tu rentres à ta place. Tu commences à prier toi-même. Tu pries. Pendant que tu pries, bien-aimé, tu fais un vœu, un sacrifice. Vous savez, je veux corriger quelque chose. Quand on parle de vœu, beaucoup de gens voient seulement l'argent. Jephté a donné sa fille. Il dit que le premier qui viendra, et quand il a vu sa fille venir, il dit, mais parce que je l'ai dit à Dieu. Oh bien-aimé, open-toi. Le vœu, Kiapo, quelqu'un peut donner sa maison. Vous savez, les Kinois, on se moque de Baba Ombake. Il pose des actes de foi. Donc on a fait un matendo ingine ya imani. Il laisse sa voiture et la clé. Il rentre chez lui. Il prend les documents, il les remet là-bas. J'ai vu quelqu'un en torche à Bilato. Il s'est même déchaussé. Il enlevé toutes les chaussures. Il est rentré sans chaussures. Anasema, non, non, ça ne suffit pas. Anasema, ayeneye. Bien-aimé, Bendwa. Qu'est-ce que la vie? Maisha konini? Par rapport à une voiture. Kufuatana na gari. Donc, il y a des moments. Kwa wakati ngine fulani. Tu ne sauras même plus conduire ta voiture. Utashinda kutembeza gari yako. On te mettra dans une ambulance couchée. Batakuingisha mu ambulance usha kulala. Il y a des moments. Wakati ngine tena. Tu n'auras même pas le temps d'aller faire tes affaires. Unashinda kufanya biashara yako. Tu entends seulement le cliquement des appareils dans l'hôpital. Quand quelqu'un voit ces choses, kama mtu anaona maneno haya, il est capable de tout avec le Seigneur. Anaweza kufanya vyote pamoja na Bwana. Et pendant que tu prieras, na wakati utaanza kuomba, prononce des paroles, sema hako misemo, de ce que tu veux avec Dieu. Yale unataka pamoja na Mungu. On mettra les paniers ici. Je ne veux pas dire non, non, toi-même. Ouais, peke, il y a tafuta, il y a chakula. Nous fermons nos yeux. Tu finis que matcho yetu. Seigneur, merci. Wana tunasema asante. C'est un jour de guérison. Et on est siku ya matunzo. Par la puissance du Saint-Esprit. Tia uwezo wa Roho Mtakatifu. Ce soir. Na magharibi ya leo. Je consacre cette table. Toa imeza. Je prie. Inaomba. Que cette table. Que meza hiyo. Soit une table de guérison. Ue meza ya matunzo. Parce que nous nous rappelons. Sababu tunakumbuka. De meurtrissure de Jésus-Christ. Vidonda vyake Yesu. Et tu nous dis. Unasema tena. Par ce meurtrissure. Kupitia vidonda vile. Nous sommes guéris. Sisi tunatuziwa nayo. Quiconque va s'approcher de cette table. Yeyote atakaribia mbele ya meza. Sincèrement. Na roho wazi qui reçoive la guérison. Apokee matunzo yake. Au nom de Jésus. Ni mchina la Yesu. Au nom de Jésus. Mchina la Yesu. Au nom de Jésus. Mchina la Yesu. Au nom de Jésus. Ni mchina la Yesu. Au nom de Jésus. Mchina la Yesu. Au nom de Jésus. Katika jina la Yesu. Era baba shakara ya baba. Enderebo shakara. Ikera ya busa Baba Iyama babu Yendere kebo sarabata Ikere busa Ndebo tala. Oh merci Seigneur. Merci Jésus. Ce soir, qu'il y ait des miracles de guérison en ce lieu. Quiconque est venu ce soir en ce lieu, qu'il reçoive sa guérison par la foi en Jésus. Et oh, le Saint-Esprit est là ce soir. Le soir des guérisons. Quelle que soit la maladie, ce soir, il y a de la guérison. Quelle que soit la maladie, ce soir, tu vas recevoir la guérison. Baba usinipite na shida langu baba unikumbuke unikumbuke oh yela baba unikumbuke unikumbuke baba unikumbuke unikumbuke. Quel moment merveilleux, le moment de la guérison. Étends ta main, qui s'accomplisse des miracles et des prodiges dans le nom de ton saint serviteur Jésus. Baba, table de guérison est là. La table est là. Baba, mets-toi debout, commence à prier. Commence à prier, bien-aimé. Prie. Prie. Prie ce soir. C'est le soir de la guérison. Prie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Refuse la maladie dans ton corps. Refuse la maladie dans ta maison. Mais prie le Seigneur. Prie, Dieu guérit. Commence à prier. Prie, nous sommes en train de prier. Tous nous prions. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toutes les maladies dans mon corps, dans ma maison, ce soir, il est présent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh bien, mais prie. Ce soir, que ce lieu est guéri. Guéri. Guéri. Au nom de Jésus. Tiens-toi debout, nous allons prier ensemble. Si maman parle au corps. Tiens-toi debout. Si maman. Lève ta main droite. Il y a un corps qui est par la foi. Petit Iman. Mais c'est un acte de foi maintenant. Tendo la Iman de ta foi en ça. Mets ta foi en action. Weka Iman ya katika tendo. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute maladie que l'ennemi veut m'imposer. Que l'ennemi veut m'imposer. Que l'ennemi veut imposer dans ma famille. Il a imposé dans ma famille. Pour nous appauvrir. Pour nous appauvrir. Malariote. Malariote. Mangaribi ya leo. Mangaribi ya leo. Mine ikatala. Mine ikatala. Mina fukisa ile mapepo. Nafukuza ile mapepo. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Commence à prier maintenant. Anja kuomba sasa. Commence à prier. Il va pas t'imposer. Il ne va pas t'imposer la maladie. Oh, ce soir, il ne va pas t'imposer. Il ne va pas imposer dans ta maison la maladie. Toute maladie que le monde des ténèbres veut imposer à mes enfants, veut imposer à ma femme, veut imposer à mon mari, veut imposer dans ma vie. Ce soir, je chasse ces esprits au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Chasse. Chasse ces esprits. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu pries bien. Oh, je te bénis, tu pries bien. Mungu akubariki, tu pries bien. Je te bénis, tu pries bien. Mungu akubariki, tu pries bien. Je te bénis, tu pries bien. C'est pour ta guérison ce soir. C'est pour ta guérison ce soir. C'est pour ta guérison ce soir. Mungu akubariki. Je te bénis. Reçois la guérison. Guérison mon nyumba yako. Mon batoto yako. Tes enfants. Mon bwana yako. Mon bibi yako. Mon kizazi. Katika jina la Yesu. Thank you. deuxième sujet de prière. Lève ta main. C'est ma bwana Yesu. Bwana Yesu. Mangaribi ya leo. Mangaribi ya leo. Mina katala mu maisha yangu. Mina katala mu maisha yangu. Ile mamalari ilikuwa mukizazi ketu. Mamalari kwa mukizazi ketu. Ilitushe bazazi. Ilitushe bazazi. Ilitushe banduku. Ilitushe banduku. Mu maisha yangu. Mu maisha yangu. Na batoto yangu. Na batoto yangu. Mina katala. Mina katala. Ile mamalari. Ile mamalari. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Ombele mamalari ya mukizazi. Katala. Katala. Katala. Les maladies héréditaires. Katala. Katala. Ma malaria qui s'assit. Katala. Lève ta main. Il y a un bon Yako. Seigneur Dieu. Seigneur Dieu. Mina katala. Mina katala. Ma malaria sasa mufamili yanze paka na mi. Ma malaria sasa yanze paka na mi mufamili. Mina katala. Mina katala. Majina ma malaria fulani. Majina ma malaria fulani. Yanze paka na mi mukizazi. Yanze paka na mi mukizazi. Na ikatala. Na ikatala. Ile makomplo ya ngiza yote. Ile makomplo ya ngiza yote. Leo leo. Leo leo. Mina ikatala. Mina ikatala. Mujina la Yesu. Mujina la Yesu. Ombele ma malaria oh. Yote katala. Katala ile ma malaria. Mutina la Yesu. Mutina la Yesu. Mutina la Yesu. Prie ce soir. Prie ce soir. L'esprit m'a mis à cœur de prier pour des maladies chroniques. Les maladies chroniques. Donc il y a certaines maladies qui te rendent esclave des médicaments. Donc il ouvre une porte à la pauvreté. Si tu fais la somme de tout ce que tu dépenses dans ces médicaments. Tu pouvais faire de grandes choses pour ta maison. Ce sont des maladies chroniques. L'ennemi t'a convaincu que pour vivre, tu dois prendre son médicament à cause de cette maladie. Cette femme était courbée pendant 18 ans. Infirme déclarée à l'hôpital. Mais le jour où Jésus est arrivé, cette femme s'est redressée. Ces boiteux étaient à la porte, la belle des années, oui, des années. Le jour où la bonté de Dieu l'a touché, les choses ont changé. Nous voulons prier contre les maladies chroniques. C'est quoi les maladies chroniques? L'ennemi crée un plan pour détruire ta vie. Alors, comme il ne veut pas le faire directement, il programme ça dans le temps. Dans le temps, tu prends les médicaments, Aouta Ponaka, jusqu'à sec. Dans mon étiquette, les mamapanes, Mangaribi à Léo. Ce soir, tu vas renoncer. Tu es dans l'hôpital. Tu es à l'hôpital. Médecin t'a changé, c'est moi, qu'est-ce qui s'est passé? Les médecins seraient même étonnés. J'ai prié le Seigneur. Frères et sœurs, il y a plusieurs maladies chroniques. Hypertension. Hypertension. Hypotension. Hypotension. Gastrite. kifo sucre sukari tension cancer cancer tension sinusite sinusite quoi encore ok ce que vous connaissez magonjwa yote mnayua tu pries pour ce que tu connais unayua ombele magonjwa si tu es dans ce cas là kama wewe magonjwa uko nayo tu pries uyombe tu peux t'approcher je vais t'imposer la karibia kwa mchungaji atakushika mkono si tu n'es pas dans le cas kama hii mambo ikuelekee tu pries omba pour que cette maladie n'arrive ili, plus ili jamais n'arrive pas dans ta vie isingie isikupate même dans la vie de tes enfants hata mbaisha watoto yako mais on peut vivre et ne pas avoir des maladies chroniques unaweza kuishi bila kupata magonjwa kurudia kila wakati on peut vivre unaweza kuishi tu je connais quelqu'un na yuwa mtu mmoja il a 80 ans iko na miaka 18 asi voilà que ma lunette ya macho il ne porte jamais les lunettes pour les yeux et qu'on aona bien il voit clairement Mungu est capable Dieu est capable Mungu est capable Dieu est capable lève ta main nyanyana mkono yako Bwana Yesu Bwana Yesu Mangaribi ya leo Mangaribi ya leo ile maladie chronique yote magonjwa chronique yote kwa maisha yangu maisha yangu ukizazi kietu bila ikatala bila ikatala katika jina la Yesu commence à prier anza kuomba commence à prier commence à prier refuse prie prie refuse bila ikatala kwa maisha yangu les maladies chroniques Allez, toque. Toca. Toca. Toca. Toca. Libérez Maïssa. Toca. Libérez cette vie. Libérez. Libérez cette vie. Libérez. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il m'a essayé libéré. Il toquait. Oui. Merci Seigneur. Il toquait. Libère. Libère cette vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimés, nous voulons prier. Tunapenda kuomba. Tulisema shetani anatafuta ka raison ya kuwa mtu. Na vodi ke satan sasa fanya raison pour terminer quelqu'un. Alors analeta malaria na kwa sa raison. Il donne une maladie, ça devient comme une raison. Pour achever quelqu'un. Yo amalize mtu. Parce que kama inapika hivi batasema ana kufa. Fait comme ça non non, comment est-il mort? Kama alikula malaria batakoma sana non. Si le malade, on dirait qu'il a tellement souffert avec cette maladie. Qui s'en a eu mon asema? Il même dira que choka. Je suis même fatigué. Je connais avant-hier. Une maman météo. Maman météo. Qui m'appelle donc. Ananita. Sa fille m'appelle. Bintuak Ananita. Il dit prie un peu pour notre maman. Ombe kwanja mama yangu. Elle est restée longtemps malade. Anakawia siku mingi na magonjwa. Depuis juma iranza pa kutomba sema mina choka. Depuis toute la semaine il disait que je suis fatigué. Mina choka na malade. Je suis fatigué avec cette maladie. Na mina mité somwe batoto yangu. J'ai tant souffert. Munirumi. En tout cas, pardonnez-moi. Non, il faut prier. Ma pana shirt kumombe. Le diable veut t'amener à un point. Satan anapenda kusukuma. Unechika kufa. Tu mola mena tu vas de toi-même tu vas accepter. Unechika kufa. Tu vas accepter tout bonnement. De mourir avant ton temps. Kufwe mbele ya wakati yako. Non, bien aimé. Apana. Ce soir. Mangari bia leo. Pendant juste une minute. Dakika tout monde. Je voudrais que tu pries. Napenda ombe tena. Ukatali. Refuse. Usikufe avant ton temps. Ne meurs pas avant le temps. Na ile ma raison yote na tafuta kutafuta. Et toutes les raisons là qui sont de s'organiser. Tu malade fulani pour que tu sois atteint à une certaine maladie. Pendant une minute. Dakika tout monde. Ukatali ma raison. Gardez les raisons. Liste yake. En tout cas, tu dois ma tout effacer yako, toutes les raisons sur ta vie. Au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Alléluia. Élève ta voix, prie, prie, prie. Katala le ma raison. Mina jimisha. Baliste ya shetan. Ma raison. Ya ma gonjo pa ma isa ya. Kati kati na la Yesu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh merci Seigneur. Prends ton vœu, prends ton vœu, ton sacrifice, prends-le, amen. Prends-le, amen. Prononce des paroles. Tu dis à Dieu, Seigneur. Mon vœu à moi. Le vœu de ce soir. C'est pour ma guérison. C'est pour ma guérison. Léo. Ce soir, ma prière, avec mon vœu que ça puisse t'accompagner. Pour ma guérison. Dieu yamatunzo yangu. Ma isha yangu. Sur ma vie. Mukizazi. Dans ma famille. Bibi yangu. Sur mon épouse. Wana yangu. Sur mon époux. Na banduku yangu. Même pour mes frères. Katika au nom de Jésus. Élève ta voix. Passe à Otiago Sassan. Prie, parle à ton vœu. Omba na sema. Parle à ton sacrifice. Sema na parle à lui. Sema, sema nae. Tu viens déposer dans la prière, dans l'attitude de prière. Donne-moi choses en ton temps, je serai toujours confiant. Que ma vie soit une odeur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Que devant toi je te réponds, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je te réponds. Alléluia. Amen. Que soit béni. Amen. Parce que cette semaine, nous voulons voir de grandes choses avec et le Seigneur. À partir de demain, nous allons commencer à parler de deux choses chaque jour pour nous permettre de terminer le dimanche. Demain, nous allons parler des relations et du travail. Satan en a l'habitude comme relation et abandonne tout mingi. Satan détruit bon nombre de relations des gens. C'est là qu'ils doivent t'aider, ne vont pas t'aider. Là où tu peux avoir un secours, toutes les portes soient fermées. Il y a même des gens, regarde dans ta vie, et je le dis à l'avance pour que tu commences déjà à prier. Tu avais de bonnes relations avec certaines personnes. Un bonjour. Comme Judas. Comme Yuda, la relation avec Christ s'est arrêtée. Alors demain nous allons prier pour les relations. Nous allons prier aussi pour le travail. Tu avais un bon travail, tu n'as plus le travail. Ou tu n'arrives jamais à avoir un bon travail. Mungu a te tout ça y dire. Je suis convaincu. Cette semaine, c'est une semaine de prière. Avant même que la semaine se termine. Kabla, juma imalizike. Ou après cette prière. Voilà. Kisha maombi. Chaque jour avec la table. Kila siku na meza hivi. Le ciel est ouvert. Bingo ni wazi. Alléluia. Amen. Et des choses vont se réaliser. Vitu vita onekana. Père, nous te disons merci. Wana tunasema asante. Pour ton peuple. Kwa ajili ya makutano yako. Pour les guérisons. Kwa ajili ya kanisa. Aujourd'hui, Léoï, tu as changé badirisha, des choses dans notre vie yetu, et dans nos maisons. Je recommande cette soirée entre tes mains. Depuis le matin, les gens sont à jeûne abakule, parce qu'ils cherchent ta face. Baba, merci Père. Baba, santé. Bénis-les. Wabariki. Bénis l'Église. Barikanisa. Au nom de Jésus. China, la yes. Amen. Sema, amina. Bonne soirée, à demain. Amen.